le silence se fasse. Bonsoir. Donc, peut-être qu'avant de commencer le sujet de la conférence, on peut passer à travers quelques questions, se réchauffer un peu. Ah, c'est une bonne idée. Pas chaud de voir aujourd'hui. Que faut-il faire pour que la viande ne pourrisse plus dans les intestins? On n'en mange plus. On doit manger une viande qui est assez cuite. On doit la manger avec des légumes qui ne sont pas cuits, de façon à mettre suffisamment d'énergie vitale dans notre système digestif pour que l'énergie vitale de nos aliments puisse vitaliser la viande. De cette façon-là, elle ne pourrira pas dans nos intestins. Et on doit avoir un système digestif qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire qu'on doit faire des exercices abdominaux suffisamment dans une journée de façon à aider au péristaltique digestif, ce qui fait que la viande ne se stallera pas avec tout le reste des aliments au niveau du système digestif. Il y en a qui se font faire des irrigations coloniques et ils se rendent compte que c'est effarant, ils perdent 5 ou 10 livres après une irrigation. Et on leur dit qu'il y a même des morceaux de viande qui datent depuis Napoléon. Alors, légués par leurs parents, on ne sait pas. Ouais. Alors, si on a un système digestif qui fonctionne bien, et bien souvent, on a tendance à se faire dire que les exercices physiques, par exemple, après avoir mangé, c'est pas bon. Les exercices physiques, après avoir mangé, c'est très bon. Mais dans le cas d'un corps physique affaibli, faible, feluette, ce n'est pas bon parce que le système digestif prend suffisamment de sang, il en manque un peu pour le reste du système musculaire et du système cérébral, et la personne qui a un péristaltique, c'est-à-dire un mouvement digestif très lent, va être fatiguée après avoir mangé, elle va bailler, va avoir le goût de dormir, elle va transpirer un peu. Alors, elle a réellement besoin de faire du conditionnement physique. C'est justement là que ce serait le... C'est ça. Bon. Manque d'oxygène, manque de sang. Et une personne qui fait un peu de conditionnement physique, on ne parle pas de faire un sprint de jogging après avoir mangé. Un athlète peut le faire, il n'y aura aucun problème. Et les animaux le font, à part certains animaux relativement lions, pour ne pas dire vaches, mais enfin lions. Alors, eux vont dormir après avoir mangé, sauf qu'ils ne mangent pas souvent, et quand ils mangent pour un bout de temps. Un peu ce que certains humains font, on remarque bien ici, aujourd'hui. Alors, on doit donc faire des exercices, en l'occurrence des exercices abdominaux, des exercices de torsion dorsale, de façon à aider notre système digestif à fonctionner, ce qui fait qu'on élimine plus rapidement. Vois-tu, moi, je mange un repas par jour habituellement, quand je n'oublie pas. Il peut arriver que j'en prenne deux, mais ce sont toujours des petits repas. Je suis très économique à inviter, toi. C'est pas une idée que je lance, mais quand même. Et à un moment donné, ben c'est ça, il y a une personne, un médecin, qui m'a dit que dans mon cas, j'étais assez jeune quand il me l'a dit, je me demandais pourquoi. Et puis c'était simplement que dans mon cas, j'absorbe tellement ce qui est nutritif dans un aliment, j'ai pas besoin d'en prendre autant que la majorité des gens. Parce que tu utilises... 100% ou disons un grand pourcentage de ce qui est alimentaire dans un aliment, tandis que la majorité des individus, par exemple, si je mange une pomme et que j'accumule une quantité d'énergie alimentaire avec la pomme, un humain normal devra manger 3 ou 4 pommes pour pouvoir accumuler par son système digestif autant de ce que je vais, moi, accumuler dans une pomme. Pourquoi? Parce que dans ses excréments, il va rejeter une grande partie de nutriments qu'il n'aura pas été capable d'assimiler parce que le système est soit trop encrassé, soit trop paresseux, etc., etc. Une autre chose au niveau du système alimentaire, on dit qu'il faut bien mâcher. On ne mâche pas bien, non. Quand on mange la viande, on l'avale rond. On la mastique pas trop. C'est sûr que si on prend un steak, j'ai déjà amené quelqu'un à l'hôpital, à l'époque je travaillais pour urgence santé, il était bleu, il avait besoin de respirer, puis finalement le médecin, en voulant rentrer, en voulant l'intuber, a découvert qu'il y avait quelque chose qui obstruait, puis avec une paire de pinces obstétriques, il est allé chercher un morceau de steak. Le gars était saoul, il avalait un morceau de steak au complet. Bon. On coupe, on ne mange pas, mais on coupe. Et on doit mâcher des aliments comme les légumes, les fruits crus, parce que la salive absorbe de l'énergie vitale et elle le transmet au corps physique. Alors là, on mâche de façon à imbiber les aliments crus de salive, de façon à ramasser l'énergie vitale. La viande, on la mastique à peu près pas et on l'avale tout rond, comme les carnivores vont faire d'ailleurs, de façon à ce que notre estomac ait à travailler. Parce que l'estomac, c'est un phénomène qui a un péristaltique aussi, des mouvements de constriction, ça écrase et ça broie. Et la problématique, c'est que lorsqu'on envoie toujours du stock déjà tout mastiqué à notre estomac, bien, veut pas, la longue, il devient paresseux. Mm-hmm. Alors maintenant, si on regarde la santé des individus, on va leur dire, mastiquez bien, vous allez être malade. C'est vrai. Parce que leur corps est déjà malade. On nourrit des estomacs âgés. L'estomac est paresseux et... Tout devient paresseux. Alors, on mange, on mastique les légumes, on mastique, comme les herbivores mastiquent énormément. On ne mastique pas la viande, comme les carnivores ne mastiquent pas non plus. Et il y a une nuance entre manger vite parce qu'on est pressé égoïquement, c'est-à-dire stressé, nerveux, et manger simplement comme on devrait manger. Alors, c'est sûr que si on mange convenablement, ça va bien passer au niveau du système digestif. La viande ne pourrira pas dans notre intestin, mais on doit faire des exercices physiques ça, régulièrement si on n'a pas le choix. Sinon, on ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Et je ne parle pas d'haltère, je parle d'exercices physiques au niveau du tronc puis de l'abdomen. OK. Passons aux autres questions tantôt. Le sujet de la conférence ce soir, c'est l'amour dans l'intelligence. C'est-à-dire qu'on l'a formulé autrement sur la question, mais est-ce qu'il y a du cœur dans l'intelligence? Ou vivre dans l'intelligence? Ou vivre dans l'intelligence qui a du cœur, on peut l'appeler comme on voudra. Il faudrait déterminer, autrement dit, on a deux points là-dedans, c'est l'intelligence et l'amour. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Est-ce qu'on peut être amoureux et intelligent? Est-ce qu'on peut être intelligent et amoureux? Ou non, on ne peut pas être amoureux et être intelligent. Non, ça va. Pour quelle raison? Celui qui est amoureux n'est pas intelligent. Ça fait... Pour quelle raison? Bien, parce que celui qui est amoureux est manipulé par ce qu'on appelle de l'amour, et celui qui est manipulé n'est pas intelligent. Alors, le terme amoureux est un terme extrêmement péjoratif du point de vue d'une conscience nouvelle. C'est un terme qui désigne l'individu qui a un penchant pour quelqu'un, qui est amouraché, qui est attaché, qui est lié, qui est dépendant, qui est manipulé par ce qu'il aime, qui a besoin de ce qu'il aime, qui s'ennuiera de ce qu'il aime, qui veut posséder ce qu'il aime. L'intelligence n'a pas de place là-dedans. Mais il ne peut pas y avoir aucune forme d'amour sur la planète qui soit contrôlée, intelligente. Bon, premièrement, l'amour ne peut pas être contrôlé quand on parle d'amour réel. Et l'amour psychologique de l'homme est justement un amour contrôlé, un amour péjoratif, un amour sélectif, un amour irrespectueux, un amour qui va faire dire à l'homme, « Mais moi, j'aime un tel et je n'aime pas un tel autre. » C'est un amour contrôlé. Mais c'est sélectif. Oui. Et ça, c'est de l'amour humain. Mais dans l'amour humain, il n'y a aucune place pour l'intelligence. Tu ne peux pas être intelligent et aimer d'un amour humain en même temps, ça ne se fait absolument pas. L'humain ne peut pas vivre de cela. Ça ne marche pas. Mais tu peux aimer une personne et ne pas en aimer une autre. Non. Pour quelle raison? S'il y a une personne qui te fait du mal, tu ne peux pas l'aimer. Une personne qui te fait du bien, tu l'aimes. Ah, dans l'amour humain, oui, dans l'amour où l'intelligence n'est pas là. Mais la personne qui te fait du mal, de toute façon, ce sont des stéréotypes qu'il faut bien arriver à comprendre. La personne qui te fait du mal n'a pas le choix de te faire du mal. Ce n'est pas de sa faute, elle est manipulée. Tu es manipulable et tu te fais autant de mal, sinon plus, par sa présence, parce que tu la hais, parce que tu mets de l'énergie sur elle pour te défendre, parce que tu la maudis, parce que tu la jalouses, parce que tu en as peur, etc. Et la personne qui te fait du mal, donne-moi un exemple d'une personne qui te fait du mal, ou qui peut faire du mal à quelqu'un. Le mari qui bat sa femme. OK. C'est de l'amour. La femme qui bat le mari. Bon, c'est de l'amour aussi. Moi, j'ai, c'est de l'amour. Quand j'ai été appelé à l'époque d'urgence santé dans des maisons où justement les femmes appelaient l'ambulance parce que leur mari, en tapant dedans, avait brisé une fenêtre et s'était coupé le poignet, eh bien, la femme, elle était là, elle pleurait, son pauvre pitou, puis elle y essuyait le front, puis c'est bleu, elle ne les sentait même pas. L'amour, c'est écœurant, comment c'est puissant, l'amour. Ça frappe. Alors, elle n'y avait aucun problème. Puis quand je leur demande, voulez-vous porter plainte contre quoi? Contre les vitres qui sont pas assez solides, contre le propriétaire? Pas contre son mari. C'est ça l'amour. C'est beau l'amour. Oui, mais l'amour humain. Tu recherches l'intelligence dans l'amour. Il y a des couples qui s'aiment sans se battre. Et puis il y a des couples. Oui, effectivement. Il y a des couples qui sont suffisamment bien élevés pour ne pas se battre. Ils battent leurs enfants. Ils vont boire de l'alcool. Ils vont sortir avec d'autres. Ils vont écouter de la musique. Ils vont arriver à s'endurer en faisant des compromis, des promesses de con toute leur vie. Ils vont avoir besoin de temps en temps, lorsqu'ils vont en vacances, d'amener un couple, parce que sinon, ça marche, ça va être difficile, alors ils amènent toujours quelqu'un avec eux. Des témoins ou des témoins ou des juges, oui, c'est ça. Alors, ils ont... Non. Mais il y a... Ah, c'est sûr que dans certains couples où la femme va totalement se détruire et puis elle va être l'esclave du bonhomme, eh bien, ça peut marcher. Et l'inverse aussi, où le bonhomme, finalement, il se lève le matin, il a 52 ans, puis il dit à sa femme, « Bon, quelle bobette que je mets le matin! » Elle a dit, « J'ai tout sorti sa chaise! » Bon, fait que là, on peut trouver qu'ils ne se battent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un humain. Il y en a un qui prend le contrôle. Puis un animal humain. Mais il n'y a pas d'intelligence non plus là-dedans. Mais tu es en train d'essayer de me dire là, qu'il n'existe personne, il n'existe pas de couple sur la planète actuellement qui sont encore deux individus qui respectent le fait que l'autre individu reste un individu? Il y en a. Celui dont la femme est à Vancouver et le bonhomme à Tokyo. Le gars à Tokyo va voir les films qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il aime sa femme est à Vancouver, elle fait ce qu'elle veut, elle aime le bonhomme. Là, oui. Mais pour quelles raisons, à ce moment-là, former des couples? Pour avoir des petits, pour partager le loyer, puis aussi, dans, sur la planète Terre, c'est surtout pour zigouiller. C'est pas une raison suffisante? Bien, en tout cas, ça fait marcher des systèmes de préservatifs, ça fait sortir les gens dans la rue pour parler d'avortement, ça, c'est intéressant, oui. Ici, on avorte alors qu'on importe les enfants des autres pays pour les adopter. Ça occupe. Parce que s'il y a tant de couples qui sont, je veux dire, si tout le monde avait en l'impression d'être intelligent... En passant, l'amour n'a rien à voir avec le couple, puis l'intelligence non plus. Les couples sur la planète ne sont pas liés ensemble par amour. Oh, par amour humain, oui, par coup de foudre, par insécurité, par besoin de papa ou de maman, par la richesse de l'autre, par l'idée d'avoir des enfants tout seul, c'est bien dur. Bon, il y a des raisons émotives. Mais il n'y a aucun couple sur la planète qui est allié par l'intelligence ou par l'amour intelligent, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est l'amour intelligent? Tout sauf l'amour psychologique. Qu'est-ce que c'est l'amour psychologique? Tout sauf l'amour intelligent. Un amour qui est psychologique, c'est un amour... qui humain. S'attache, humain. Ouais. Un amour... Toutes les chansons d'amour parlent d'amour psychologique. C'est pourquoi 100% des chansons d'amour, disons 99,9%, sont des chansons où on se plaint. Je t'aime, tu m'appartiens, tu m'aimes plus. Oui, t'es parti, je vais me suicider, j'ai dur sans toi. En tout cas, c'est juste des chansons où on broye ou où on se plaint. Ça, c'est l'amour traditionnel. Prenez n'importe quelle chanson d'amour que vous voudrez, faites-la jouer, puis vous allez vous rendre compte dessus que le chanteur se plaint. Ça, c'est l'amour. Les chansons d'amour, c'est des chansons comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'amour intelligent, de quoi est composé l'amour intelligent? L'amour intelligent est composé d'une énergie qui permet à un être humain d'entrer en résonance avec l'extérieur, donc qui permet à un être humain d'être en vibration sur une forme d'harmonique avec tout ce qui existe à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur, bref, avec tout. Alors, une personne qui aime d'amour intelligent ne peut pas sélectionner ce qu'elle va aimer, ça ne marche pas. Une personne qui aime d'un amour intelligent, on parle d'amour intelligent, on va parler d'intelligence qui a du cœur après, c'est une nuance. L'amour intelligent, c'est un amour qui va être teinté d'intelligence, alors que l'intelligence qui a du cœur, c'est une intelligence qui va être teintée d'amour. Nécessairement, on parle toujours d'un amour qui provient d'un plan supérieur au plan planétaire que nous connaissons sous forme astrale, c'est-à-dire que l'amour qui va colorer l'intelligence dans le cas d'une intelligence qui a du cœur, ce n'est pas un amour émotif. C'est un amour de vibration, c'est un amour qui appartient à un plan dans l'ésotérisme qu'on appelle le plan bouddhique, qui est au-delà du plan supramental, qui est le plan d'intelligence active, l'intelligence instantanée, qu'on parle depuis quelques années ici au Québec. Quelle est la différence entre le plan bouddhique, justement, et supramental, l'écart entre les deux? Là? Bon, l'écart entre les deux, c'est le même écart qu'entre un bloc de glace et de la vapeur d'eau, du point de vue de la forme visuelle. L'intelligence supramentale amène à l'être humain la connexion avec une instantanéité de vie, donc ça amène de l'intelligence instantanée. On a déjà parlé à un moment donné des événements fixes, mobiles et complexes. Alors l'intelligence, l'énergie supramentale est un phénomène premièrement qui n'est pas rayonné par l'homme présentement, qui est réfléchi par l'homme. Donc l'être humain peut être en contact avec ce phénomène d'intelligence supramentale, mais il ne la rayonne pas, donc il n'est pas lui-même en fusion ou en contact fusionnel avec l'intelligence supramentale. Par contre, la majorité des humains de la planète du nord, du contexte nord planétaire, ont un ajusteur de pensée qui leur tourne suffisamment proche. On a fait plusieurs conférences sur l'ajusteur de pensée et on sait que lorsqu'on commence à se poser des questions neuves sur des sujets neufs, ou lorsqu'on formule une question vieille, mais d'une façon neuve, c'est parce qu'un ajusteur de pensée est venu colorer ce qui se passait chez nous et nous oblige donc à remettre en question les traditions, remettre en question notre éducation, remettre en question le passé, donc nécessairement toutes les vieilles formes. Là, il y a un ajusteur de pensée qui, de temps en temps, vient chatouiller tes neurones, mais il peut se déconnecter de toi. L'intelligence qui va provenir de l'ajusteur de pensée amène à l'être humain une information qui dépasse dans sa qualité ainsi que dans son efficacité, dans son ajustement chronométrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas archaïque, elle n'est pas en avance ou en arrière, mais qui dépasse toutes les structures d'information permise à l'homme par les voies astrales traditionnelles, c'est-à-dire par l'imagination, par la pensée, par la voyance, la clairaudience, la clairvoyance, et par tout ce genre de choses. L'intelligence supramentale amène à l'être humain de l'information qui est beaucoup plus efficace et qui englobe d'une façon plus grandiose toute la phénoménologie de l'évolution de l'humain. Autrement dit, quand on pose une question comme par exemple « Où se trouve Berlin? » les voies astrales peuvent te répondre. Quand on pose une question « Qui est Dieu? » les voies astrales vont te répondre avec les réponses déjà placées dans le monde de la mort, dans les archétypes, et la réponse sera une réponse émotive, « Dieu est ton créateur, Dieu est ton protecteur, Dieu, etc. » et ce sont des réponses qui sont fausses. Lorsqu'on leur pose la question « Alors, qui a créé Dieu? » Ah, Dieu a toujours été créé. Il y a, dans le monde de la mort, une limite totale où la conscience de l'homme qui s'éveille de plus en plus au niveau du contexte nord-planétaire parce qu'il devient mental, donc il n'est plus satisfait exclusivement par les réponses émotives qu'on lui donnait. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Mais comment fait-il nous aimer avant de nous créer? Donc, il n'a pas pu nous créer parce qu'il nous aimait. Il a peut-être appris à nous aimer après nous avoir créés. Mais il aime facilement parce que son regard humain, bon. Alors, il y a des réponses qu'on va donner dans les archétypes qui finissent par ne plus satisfaire l'humain. Lorsque l'humain pose une question d'une envergure qui dépasse ou qui est carrément en déphasement avec les sphères de réponse astrale, donc du monde de la mort, donc du ciel, eh bien, l'être humain qui pose cette question-là n'aura pas de réponse. Ça engendre une frustration. La frustration engendre une désillusion où, lentement, on finit par remettre en question les choses. Remettant en question les choses, on entre en contact avec un ajusteur de pensée qui, temporairement, vient nous chatouiller les neurones. Et lentement, on a non pas des réponses, mais normalement, on a de plus en plus de questions neuves. C'est pire. Et à travers cela, bien, l'être humain commence à avoir de l'information parce que dans la question, tu as toujours une réponse. Lorsqu'on pose une question, ça veut dire que tu viens de passer par-dessus certains niveaux. Donc, tu viens de cataloguer, de répondre, de régler des problèmes, des questions que tu avais avant, de niveau inférieur. Mais nécessairement, tu n'auras pas, du point de vue de l'intelligence supramentale, des réponses aussi claires que ce que l'astral va te donner. C'est-à-dire que ce ne sera pas des réponses personnifiées, stéréotypées, où on va te donner, par exemple, la réponse « Qui a créé la Terre? » Eh bien, au niveau astral, on te répond « C'est Dieu. » Et là, le Dieu, tu le vois avec une grande barbe, avec une aura, il aime le monde, etc. Quand c'est une réponse supramentale, eh bien, tu vas avoir une autre réponse, mais qui va être dans le genre de question. L'exemple, « Qui a créé Dieu? » Et quand tu es convaincu du « Qui a créé Dieu? » Là, tu viens de cataloguer que Dieu ne s'était pas créé, il avait été créé. Donc, tu viens de solutionner une réponse astrale par une question supramentale et l'individu, bien souvent, parce qu'il a de l'ego et qu'il ne sait pas trop ce qui lui arrive, il est convaincu qu'il y a plus de questions. Mais c'est faux, il y a plus de réponses que lui exprime sous forme de questions. Alors, quelle est la cause de telle chose? Nécessairement, tu viens de passer par-dessus des petites choses en bas qui vont taquiner les gens, par exemple, pourquoi Jean le Baptiste a crié contre le roi? C'est des questions qui intéressent les gens, ou encore la guenille qu'on a trouvée à Turin. Bon, alors pourquoi il y a ceci, cela dedans? Pourquoi il y avait une telle place? Bon, c'est des questions philosophiques, théologiques, qui intéressent les gens et dont les réponses proviennent du monde de la mort. Mais lorsque l'individu passe en haut de ça, nécessairement, les réponses vont venir d'un contexte supramental. Et le contexte supramental amène à l'être humain des réponses tellement globales que ça engendre des questions neuves, des questions qui semblent être époustouflamment grandes, parce que l'intelligence supramentale est de la mémoire galactique. Lorsque l'être humain entre en contact avec l'intelligence supramentale, il a donc accès à de l'information qui englobe toute notre galaxie, ce qui veut dire quelques milliards d'étoiles, en l'occurrence la Voie lactée, qui est notre galaxie. Et lentement, il a aussi accès à des bribes extérieures à notre univers, qui est inclus dans un super univers et inclus dans la création. Alors ça, c'est l'intelligence supramentale. Donc l'être humain qui entre en contact avec de l'intelligence supramentale rentre en contact avec une logistique presque instantané, c'est-à-dire que l'être humain qui a un contact supramental fusionnel, l'être humain qui arrive à avoir un double éthérique, donc l'être humain qui arrive à détruire ce qui, chez lui, le met en contact avec le monde de la mort, donc l'être humain qui arrive à devenir immortel, c'est-à-dire que lorsqu'il meurt du corps physique, il va dans le plan moronciel qui est un plan transitoire, mais ne gagne pas le monde de la mort, et il va rejoindre une copie conforme à sa structure atomique. On va en parler un peu la semaine prochaine, de quelle façon ça se crée du point de vue de l'atome. Et il va donc gagner son double éthérique pour se réincarner en se rappelant totalement ce qu'il a été, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les réincarnations, parce que ce sont des réincarnations pluralitaires qui proviennent du monde de la mort. Au-delà de cette sphère d'intelligence qui va permettre à l'être humain d'avoir accès à de l'information totale et indubitable, mais radicale, de ce que c'est que l'être humain dans le contexte planétaire, lorsque je dis que la création est un accident, c'est un point de vue supramental. Et nécessairement, le point de vue supramental ajuste la pensée dans l'homme, pas pour préserver l'homme, il ajuste la pensée dans l'homme de façon à préserver le contact supramental. Un ajusteur de pensée va ajuster la pensée dans l'astral, dans l'âme, dans l'ego de l'homme, de façon à ce que le contact supramental soit au minimum ou pas coloré du tout par le contact avec l'ego. Mais bien souvent, on pense que l'ajusteur de pensée va ajuster l'énergie en fonction de préserver notre conscience, pour ne pas qu'on pète, qu'on vienne fou, qu'on saute. C'est faux. L'ajusteur de pensée, on doit apprendre à le contrôler, on doit apprendre à l'assujettir à nos besoins de survie du point de vue du système humain. Et c'est une étape qui prend un laps de temps. L'ajusteur de pensée, donc, il est en contact avec la conscience de l'homme et l'information supramentale qui descend, l'ajusteur vient taper sur les archétypes astraux, briser les formes même s'il le faut, donc anégoïser, rendre plus humble, de façon à ce que le contact puisse passer plus librement et exploser au niveau d'une communication. Elle peut être orale, elle peut être écrite, elle peut être par une gestuelle, par la création, etc. Au-delà du plan supramental qui est confiné à notre système galactique, il y a d'autres énergies dans lesquelles vont baigner les galaxies. Une énergie qui s'appelle bouddhique, mais qui n'a rien à voir avec Bouddha. Par contre, pendant longtemps, les ésotéristes ont pensé que Bouddha avait atteint cet état, et c'est pourquoi on l'a appelé bouddhique. Un espace temps qui, dans lequel flottent différentes galaxies, qu'on appelle un univers. Et entre les galaxies, il y a donc une substance. Et cette substance, cette énergie qui permet le support des galaxies, qui permet de supporter les relations entre les galaxies, que ce soit au niveau du poids, au niveau des structures atomiques, au niveau des conductions lumineuses, eh bien, cette substance, cette structure énergétique, porte donc le nom de plan bouddhique. Ce plan bouddhique a une expérience énergétique tellement plus vaste que le plan supramental, ce qui va entraîner que dans un contexte supramental, en l'occurrence exprimé par l'être humain, cela amène la connaissance instantanée d'une relation entre différents corps. La galaxie, le plan supramental, arrive à une personnalisation qui fait en sorte que notre galaxie se sait elle-même par rapport aux autres galaxies. Et la relation entre une galaxie, entre une conscience galactique et des consciences galactiques, disons, du même univers, il y a des relations qui vont se faire, ça porte un nom, transport séraphique entre autres, ou communication séraphique, c'est-à-dire que l'enveloppe séraphique, c'est le périsprit de l'âme de l'homme, lorsque l'homme arrive à s'anégoïser, lorsque l'homme arrive à avoir des contacts supramentaux, ce qui est de plus en plus le cas dans l'humain, l'être humain crée un double éthérique qui est un corps séraphique, et lorsqu'il a un double éthérique suffisamment constitué, son corps séraphique peut changer de galaxie, on appelle ça un transport séraphique, et ça lui permet d'avoir accès au plan bouddhique, et d'avoir accès à une forme et à une mémoire évolutive qui va permettre à la conscience supramentale plus petite, parce qu'elle est supportée par la conscience bouddhique, d'être atténuée par le plan bouddhique. Et le plan bouddhique est la cristallisation énergétique des relations qui ont existé entre les galaxies depuis plus de 15,5 milliards d'années. Et la mémoire bouddhique a en elle plus d'informations sur la création de l'univers et sur les guerres, c'est-à-dire sur les inharmonies créationnelles, atomiques, subatomiques, qui ont prévalu lors des quelques secondes après la création de notre univers, ce qui permet à la conscience supramentale, qui, elle, est apparue beaucoup plus tard dans la création structurée des galaxies, et beaucoup plus tard, on verra la conscience mentale, la conscience attribuable aussi à un système solaire, ainsi que la conscience astrale attribuable à un système planétaire, notre monde de la mort, notre ciel, eh bien, la conscience bouddhique aura donc a en elle plus de mémoire, disons, de souffrance inutile. Ce n'est pas de la souffrance dans les termes employés par l'être humain, mais prenons le terme pour peut-être faire comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça peut donner. Alors, étant donné qu'elle a en mémoire plus d'expérience de heures inutiles, elle a la faculté de venir tamponner, atténuer la conscience supramentale à travers un ajusteur de pensée, ce qui va permettre à l'être humain qui a un contact avec un ajusteur de pensée. L'être humain qui a contact avec l'ajusteur de pensée, normalement, devient ce qu'on disait dernièrement, un MTS, un martyr de la transition supramentale. Bon, alors l'être humain qui devient un MTS, eh bien cet être humain-là, il devient arrogant, il devient violent, il devient très logique, très mental, mais il ne peut plus supporter les animaux humains, il ne peut plus supporter les humains, il ne peut plus supporter ceux avec qui il travaille, bien souvent sa femme ou son mari ou ses enfants ou son entourage. Il ne peut plus supporter les conditions inécologiques de pollution. Et finalement, lentement, il se crée un monde très, très, très à part, un monde de martyrs. Est-ce qu'il peut se supporter lui-même? Habituellement, il arrive à se supporter parce qu'il a encore suffisamment d'ego pour se donner l'illusion que lui, au moins, il est le meilleur. Mais dans le cas des enfants, bien souvent, ils vont se suicider. Bon. Là, au niveau de l'enfant nouveau, on a 4 suicides par jour présentement au Québec, alors qu'il y a quelques années, on en avait un par 4 jours. Puis ça continue à amplifier. Bon. L'intelligence elle est galactique et elle vient à donner à l'être humain la faculté de comprendre instantanément lorsqu'on a un ajusteur de pensée soudé. Lorsqu'on commence à vivre une fusion avec l'ajusteur de pensée, on finit par avoir une conscience supramentale. Ça prend le temps que ça prend, mais tous les humains du contexte non-planétaire, de toute façon, ils seront soumis. Il y a des personnes qui ont fait des séminaires avec moi ou avec d'autres et qui ont maintenant un ajusteur de pensée soudé. Certains pratiquent suffisamment l'expression de l'énergie. Comme j'explique dans le séminaire, c'est que tu ouvres un robinet d'eau chaude. Au début, c'est de l'eau froide qui sort. Tant que l'eau chaude du réservoir n'est pas arrivée, c'est de l'eau froide. Donc, nécessairement, il y a une pratique à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, une pratique? Ça veut dire que tu n'as pas un contact avec l'intelligence supramentale pour le fun. Il faut absolument que tu t'en serves. Et par la parole, eh bien, on arrive, à, comme je te disais la semaine dernière, quand tu as commencé avec ta question raide, j'ai dit que tu partais raide, justement, laisse-moi au moins le temps de me réchauffer. Ben, c'est ça. Alors, j'ai dit 3-4 minutes de salade idiote, et puis après ça, on est rentré dans le vif du sujet. Alors, étant donné que moi, je parle souvent, étant donné que moi, j'écris des livres, étant donné que je suis en travail supramental régulièrement, me réchauffer, c'est maintenant question de secondes. Mais l'être humain qui a un travail conventionnel et puis qui ne se sert pas de sa possibilité d'avoir de son ajusteur de pensée, eh bien, nécessairement, lorsqu'il doit commencer à se réchauffer, ça peut lui prendre une heure avant de se réchauffer. Il va avoir d'eau chaude et puis loin. Là. Oui, moi, je me rappelle, le 4 ans, quand je commençais mes conférences, la deuxième partie, c'était la partie à écouter. La première partie, c'était intéressant. La deuxième, c'était puissant. Ça m'avait pris une heure à me réchauffer. Ah, ce que j'amenais était intéressant, mais il y avait toujours des colorations, il y avait des ajustements, manquait d'énergie pour le communiquer. Et à la longue, à force de faire des conférences, et bien lentement, tu finis par avoir une ouverture qui est suffisamment grandiose, un contrôle sur l'ajusteur qui te permet de répondre à n'importe quelle question. Tu branches l'ajusteur là où il y a les réponses, en fonction d'une question intelligemment posée. L'individu arrive donc, s'il a cette expression, s'il pratique, c'est pourquoi une personne qui commence à travailler au niveau du plan supramental, peut pas dire « Ah bon, ben là, j'en ai assez, je me renferme chez moi et puis maintenant, je vais vivre. » Non, non. Tu dois absolument être en relation, en communication avec un autre être humain qui a aussi la faculté de te réchauffer, donc un contact supramental. On peut saillir tous les deux puis s'astiner, mais au moins, on descend de l'énergie, dont on fait partie des MTS. Et on peut, nous aussi, simplement travailler dans des projets intelligents ou simplement discuter dans le but de discuter. Pour descendre de l'énergie. Bon, l'individu qui a ce contact supramental, il amène à plat la vision supramentale du contexte évolutionnaire humain. Donc, nécessairement, une personne qui a un contact supramental, les dieux, commence à ne plus être capable de digérer les dieux, surtout qu'il se rend compte que les dieux, tous les dieux sont des créations de l'homme, faites à l'image et à la ressemblance de l'homme. Il voit que les dieux ont évolué à travers le temps au même rythme que l'évolution de l'homme. Les dieux de guerre sont devenus des dieux de paix alors que l'homme de guerre est devenu un homme de paix. Les dieux de vengeance sont devenus des dieux de pardon alors que l'homme, sa planète, est devenu aussi un homme de pardon, etc., etc. Et il se rend compte des manipulations, des illusions, il découvre un paquet de choses. L'intelligence qu'il y a du corps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement une espèce de tamponification qui provient du plan bouddhique qui va permettre à la conscience vibratoire de l'homme non seulement de comprendre le monde avec une vision supramentale, mais en plus de tolérer et finalement de supporter allègrement, facilement, sa vision supramentale de l'homme astralisé évolutionnaire. Quand tu dis supporter, ça veut dire qu'il n'y a pas de... il comprend exactement, il comprend exactement le rôle de l'homme, il comprend exactement son rôle à lui par rapport au reste de l'humanité, bon, puis il l'accepte. C'est que chaque... Je fais un parallèle qui est faux, mais qui peut quand même nous éclairer un peu sur comment ça peut fonctionner. L'énergie bouddhique est capable d'allier chaque galaxie ensemble et leur permettre de vivre une forme de gestation intéressante. Il y a de l'énergie, donc de la mémoire à l'intérieur de ça, une mémoire virtuelle qui n'est pas le même genre de mémoire que la mémoire atomique qui prévaut au niveau de notre contexte planétaire, mais quand même, mémoire plus subtile, que l'être humain rendu à un plan supramental peut commencer à bénéficier. Et le plan bouddhique, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, il vient simplement t'amener. Le plan supramental nous vient nous décortiquer exactement comme si le plan supramental nous amenait des clous de notre tête. Ou encore des morceaux de fil barbelés, juste les pépiques. C'est pas nécessairement agréable. C'est pas nécessairement agréable. Alors, à un moment donné, tu la fais, tu vas bien, puis là, tu te rends compte que ton boss, mais il te manipule, mais que c'est bon. Là, c'est la bébite qui vient de rentrer. C'est logique, tu dois arriver à t'individualiser pour te libérer. À un moment donné, tu t'en vas avec ton automobile et puis il se passe quelque chose, tu te fais couper, puis là, tu te mets à chialer, puis là, tu te rends compte que tu sécrètes des hormones, que tu es un vrai animal humain, que tu es manipulé, que tu vis du syndrome de l'électron, que tu es manipulé par n'importe quoi qui pose autour de toi, tu t'en vas de même. Un autre fil barbelé. Et à un moment donné, tu te poses des questions. Tu poses des questions peut-être à ceux qui sont des ajusteurs collectifs, donc un contact avec plusieurs ajusteurs de pensée. Et lentement, bien, le monde, tu vois de l'intelligence dans certaines choses, mais il manque quelque chose. Il manque qu'à travers chaque sphère, disons, de barbelé qui vient au niveau de ta conscience, il vient un temps où ta tête, c'est plus des neurones, mais c'est réellement des pics barbelés. Et à travers cela, bien, ça se promène, hein, puis ça s'égratigne, puis ça fait mal au niveau de l'ego. Et le plan bouddhique, c'est exactement une espèce de jello qui vient entourer toutes les structures barbelées au niveau de ta conscience et qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas voir que tu es manipulé puis tu vas trouver ça drôle. Tu l'acceptes? Non. Non? C'est au-delà de l'acceptation. Tu trouves ça drôle, tu sais que ça te dégoïse, tu sais maintenant que ça te transforme, mais tu ne peux plus souffrir. Lorsque l'intelligence commence à avoir du cœur, tout ce que l'intelligence t'amène ne te fait plus souffrir. Cela veut dire que maintenant, les fragmentations au niveau de l'ego ne sont absolument plus souffrants pour l'ego. Alors, n'importe quand on arrive devant toi et on te prouve que tout ce que tu es en train de faire ne vaut rien, et tu vas dire, ah bon, ben maudit étant, je me le déteste au bout. Un humain conventionnel, il va se jeter en bas du pont, il jette devant le métro, il se suicide. Bon. L'humain qui a une conscience supramentale avec de l'ego, le MTS, le martyr de la transition supramentale, nécessairement, lui, il va souffrir aussi. Il va t'haïr, te détester. Les premiers à traverser, ils vont être les derniers à finir de traverser. Bon. Alors, le plan bouddhique, c'est exactement comme si, à travers tout le phénomène supramental, tu descendais là-dedans. Pas un amour imbécile, pas un amour tampon qui te fait dire « Ah, mais il faut quand même les aimer ». Bien, ça, c'est le style humain. Il faut quand même les aimer. Par obligation. Aime-les. C'est masochiste. Ça. Ouais, l'esclave de l'amour, là, qui... Dieu t'aime quand même! Bon. Alors, ça, c'est pas le même genre d'amour. Alors, Yass, c'est pas un amour dans le sens où l'être humain le communique. Mais quel genre d'amour est-ce? Comment le définirais-tu? Bien, c'est simple. C'est que si tu aimes tout, tu aimes. S'il y a une chose que tu n'aimes pas, je sais pas c'est quoi l'amour, t'aimes pas. Mais comment aimer ce qui te fait du tort, ce qui te fait du mal, ce qui te fait du... Ça ne te fait pas de mal. Quand tu as une conscience supramentale, tu te rends compte que finalement, chaque événement... Je vais t'expliquer ma journée aujourd'hui et qu'elle est intéressante. Puis que ça m'arrive à moi, c'est encore bien plus intéressant. Alors, premièrement, il y a un de mes amis qui m'amène une disquette pour me donner un programme logiciel sur l'ordinateur que j'ai à la maison. Je suis en train de travailler la finale du livre « Le syndrome de l'enfant Teflon ». Et puis, sur sa disquette, il y a des virus. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais maintenant, on a même des virus sur les logiciels. Alors, en plaçant ça là-dedans, eh bien, je rentre les virus dans mon ordinateur, et puis finalement, les virus, c'est parpillé sur toutes les disquettes que je mets. Et lentement, l'ordinateur plante. Hein? Bon, il bug, mais il plante, il court, puis il tombe, paf, il plante. Bon, l'ordinateur plante, donc le programme ne marche plus. Et là, je dois sortir quelque chose que le centre a besoin. Il n'y a plus rien qui marche. Et là, j'arrive plus à faire rien marcher. Alors, finalement, j'ai un vaccin, puis j'ai un programme pour détecter les virus. Et puis là, c'est bourré, et de virus. Alors, je tue les virus, puis je m'organise. Finalement, à travers ça, il a fallu que je rentre le programme de virus dans l'ordinateur, et puis lentement, ça sort plus sur l'imprimante laser. Ça, c'est ma journée aujourd'hui. Et puis là, il est temps. Et là, je me dis, j'ai une réunion à 1 h, donc je dois y être, et puis je dînerai avant. Et puis finalement, ben ça sort, j'arrive à faire en sorte que je suis très, très, très juste. Alors, je pars et puis je m'en vais dîner. Je décide, je vais aller chez McDonald's. C'est tout proche du bureau, m'a ramonté ça, m'a monté ça là. Quand j'arrive là, eh bien, il y a passé au feu. Bon, c'est McDonald's. Ouais. Alors, je me dis, bon, ben ça y est, j'aurai pas le temps de manger, mais j'ai pas déjeuné, il faut que je mange. Conférence ce soir, puis j'aurai pas le temps de souper, donc il faudrait que je mange. Alors, finalement, je m'en vais, je me dis, tiens, on m'a dépassé le bureau pour aller voir s'il n'y a pas un restaurant où je peux ramasser quelque chose. Alors, j'arrête sur un coin, j'attends que le feu passe au rouge, il y a un char qui me rentre dans le dos, badang! Sauf que c'est. Il n'y a pas de dégâts, parce que l'initiation solaire, il n'y a jamais de dégâts. Non. Mais au niveau c'est de solaire, l'ego, c'est ça, intéressant. Ou c'est solaire parce qu'il ne se passe rien. Okay. Mais c'est un mot du beau test. Ouais. Alors, la dame en arrière, ben, solaire, là, elle se demande s'il ne m'a pas sorti tout à fait dedans, mais franchement. Je débarque même pas voir. Il n'y a rien. Je sais qu'il n'y a rien. Alors, je m'en vais, puis finalement, je ne trouve pas de restaurant. Alors, je reviens au bureau, je demande à la secrétaire de commander un repas pour moi. Et puis, elle commande le repas. Finalement, ben, je vais la revoir. Tu commandais, elle dit oui. Bon, elle téléphone, ils ont perdu la commande. Alors, elle téléphone à une autre place. L'ordinateur ne marche pas, ils ne peuvent pas prendre de commande. Finalement, le premier magasin, elle la rappelle pour lui dire qu'ils viennent la retrouver, qu'ils vont me l'envoyer. Alors, ça arrive, pas d'ustensiles, c'est un spaghetti. Bon, ça, c'est une journée intéressante. Belle journée, oui. Alors là, la journée n'est pas finie. Bon, on va voir ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que là, je peux constater un état de harcèlement du monde de la mort sur ce que je fais. Et le harcèlement est nécessairement dirigé par de l'intelligence parce qu'il n'arrive rien. Mais c'est juste... Fatigant. Oui, relativement. Pourquoi? Ça devrait me faire sécréter. Moi, ça me fait rire. L'amour, le plan bouddhique, lorsqu'il habite un être humain, qu'est-ce qu'il lui donne en échange? Eh bien, l'ordinateur, ça ne marche pas. Puis je me rends compte qu'effectivement, il y a un harcèlement. Puis c'est comique. C'est bien fait. C'est génial. Je ne peux pas faire autrement que rire. Je le tolère. Je n'accepte pas, mais j'en souffre pas. Mm-hmm. Finalement, je vais devant le McDonald's, il a passé au feu. Là, l'ego du temps à Barouette est important, ils ont mis le feu au McDonald's juste pour que tu manges. Mais là, en même temps, l'ajusteur de pensée, hey, l'ego, calme-toi, tu sais, franchement, si tu aurais choisi votre restaurant, c'était correct. Par contre, l'intelligence te fait choisir ce restaurant-là parce qu'il a passé au feu. Mais ils n'ont pas mis le feu au restaurant parce que tu venais là, une nuance. Mm-hmm. Finalement, la personne qui t'entend en arrière, ben oui, c'est pour finaliser les choses. Je ne veux pas que tu viennes chez nous la semaine prochaine. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le phénomène de l'amour intelligent? C'est que toute l'information au complet qui vient t'amuse. Alors, je me suis amusé. Nécessairement, on prend un terme québécois, faire chier. Nécessairement, au niveau astral, ça fait tout pour te faire chier. Puis parce que moi, je me suis amusé toute la journée, je les ai fait chier. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont se tanner d'essayer de te faire chier? Alors, après un moment donné, là, ils arrêtent parce qu'ils souffrent. Ils dépensent de l'énergie, puis t'en retournes pas. Pas de sécrétion endocrinienne, il n'y a rien. Donc, je ne les nourris pas, puis ils gaspillent leur énergie. Mais ça vient de quel plan? Ça, c'est du plan astral, en ce qui me concerne, manipulé sans doute par un phénomène archangélique. Parce que je suis à travailler des choses qui peuvent faire des choses. Hein? Puis le meeting a rapport à ça, puis etc. Alors, là, il y a une manipulation. L'intelligence supramentale me permet de voir totalement ce qui se passe au niveau global. Mais par contre, l'humain conventionnel va en souffrir tant qu'il y a de l'ego. Le plan bouddhique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est capable de venir te fréquenter ton ego sans même que ton ego en souffre. Tant que ton ego en rend compte, le plan bouddhique, c'est une forme de catalyseur, premièrement, donc accélère une réaction sans prendre part. Et surtout, c'est une espèce de dissolvant d'ego, très intéressant, qui dilue l'ego sans que l'ego le souffre, s'en rende compte, l'ego est bien. Le plan bouddhique a l'avantage d'être ajusté 100% 25 heures sur 24. C'est-à-dire que le plan bouddhique, l'avantage qu'il a sur le plan supramental, c'est qu'une personne qui arrive à une étape supramentale, une étape où elle a de l'énergie dans la voix, une étape où elle va répondre d'une façon logique, mentale, efficace, intelligente, eh bien, normalement, elle va frustrer les gens. Parce que les gens s'attendent toujours à passer par des standards de communication, en l'occurrence, la politesse, on devrait te demander comment ça va, pas que de niaiseries qu'on perd plein de temps. Et puis, la personne qui a un contact supramental, elle passe carrément par ce genre de choses-là. Tu t'habilles d'une façon nouvelle, je ne la regarde même pas. Alors, tu peux être frustré parce que tu t'attendais à ce qu'elle te dise que tu étais bien habillé, que tu avais un nouveau chapeau, une nouvelle moustache, une nouvelle voilà quoi. Que tes enfants sont beaux et fins, puis là, ça frustre parce qu'elle est bon. Mais l'intelligence supramentale, elle n'a pas le temps à perdre avec ce genre de quétainerie. Et puis, lorsque l'être humain a donc un contact supramental, il a une tendance à être vu comme étant sans cœur, premièrement, parce que l'intelligence n'a pas de cœur, telle qu'elle, elle est logique. C'est-à-dire que si je dois, par exemple, on me dit, si je serais obligé de tuer trois personnes dans la salle, eh bien, je tuerais les trois moins évolués. Mais là, les personnes vont dire, oui, mais qu'est-ce que tu es pour dire que c'est moi qui? Pas rien à voir, c'est intelligent, tu fais flop, ça finit là. L'intelligence supramentale, c'est ça. C'est robotique. Non, c'est pas robotique, c'est écologique. Quand un arbre pousse, il y a en dessous d'autres en dessous, il n'y a pas de compromis, bien là, il n'y aura même pas de forêt sur la planète. Alors, c'est très simple. Alors, si on regarde, par exemple, au niveau, tu me parlais dernièrement de la Chine sont obligés justement de zigouiller les enfants femelles qui viennent au monde parce que risque de créer d'autres enfants plus tard. Il y a trop de personnes, là. Voilà, quand tu as plus de deux enfants, t'es mis à l'amende, même si c'est pas plus qu'un enfant, t'es mis à l'amende au coton. Ils sont plus d'un milliard, nécessairement, pour qu'ils commencent à limiter. Ils sont gros de même sur la planète est grosse de même, puis il y a un cinquième de la population qui est plantée là. Et si on parle d'intelligence supramentale qui viendrait au niveau de la Chine gérer les choses, ça passerait au cache-là, il y aurait des hécatombes. Alors, donc, on parle d'intelligence supramentale, ça oblige, dans l'intelligence qui vient habiter l'être humain, ça oblige l'humain, avec son ego, à vivre un ajustement perpétuel, extrêmement souffrant, frustrant, anégoïsant ou égoïsant, dépendant de quelle façon il va le vivre énergétiquement. Donc, notre personne, elle est obligée d'aller travailler Et puis, le gars à côté, il dit « Hey, tu veux, il fesse la fille! » Le gars qui est là, franchement, il fesse la fille. C'est la même affaire qu'un lampadaire, un bureau. Alors, il est obligé de supporter, finalement, le harcèlement de ses collègues, oui. Hein, ouais. Ses collègues de travail. Et puis, à un moment donné, il n'en peut plus. Celui qui a l'intelligence fondamentale doit s'ajuster, il doit s'efforcer à l'ajustement. Alors, il va, oui, effectivement, « Hey, hein, t'aimerais-tu coucher avec? » C'est dur de t'ajuster avec des animaux humains. Pourquoi? Parce que finalement, non. Mais là, il t'arrête. Pourquoi? Hein? Va-t'en voir. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, par contre, l'avantage qu'il y a au niveau du plan bouddhique, c'est que tu n'as pas besoin de t'ajuster parce que tu es perpétuellement ajusté. Donc, il vaut mieux se connecter au plan bouddhique qu'au plan supramental? Oui. Sauf que le plan bouddhique t'amène une extase intéressante. Certaines personnes sur la planète ont déjà eu un contact avec le plan bouddhique, en l'occurrence le Mahatma Gandhi, qui n'était pas relié d'intelligence dans du plan bouddhique. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, tu deviens un martyr sans souffrir. Mais okay. Ça fait, moi j'appellerais ça un imbécile de l'évolution. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a que de l'amour? Oui, il y a juste de l'amour, ce qui fait que là, paf, oh, bon, paf, et puis, allez-y, faites de moi ce que vous voulez, je vous aime. Effectivement, t'es bouddhique. C'est de c'est là que le Nazaréen disait... Le Nazaréen est passé par une étape bouddhique. Frapper la joue droite, la joue gauche ensuite. Non, ben là, non? Quand il a annoncé ça à l'humain, c'était parce que de toute façon, il savait que l'humain ne pourrait pas le faire, mais que ça tempérerait un peu. Mais est-ce qu'il faisait référence, à ce moment-là, à cet état-là? Plan bouddhique. D'ailleurs, le Nazaréen a été connu pendant un laps de temps comme étant relié exclusivement au plan bouddhique. C'est essentiel dans son effusion. Et pendant ce laps de temps-là, ben, c'est le laps de temps où il passait sa croix et tout le reste des cossins complets. L'intelligence était déjà déphasée un peu. Alors, mais c'est masochiste, la manière dont on en parle. C'est pas masochiste, parce que la simple raison qu'il n'y a pas de plaisir dans la souffrance. Par contre, tu n'as plus d'intelligence pour être capable de préserver ta santé, de préserver ta vie, de préserver ton intégrité. Tu deviens un être humain qui appartient à l'humanité. Alors, on peut t'arracher ta chemise et puis tu n'as pas le choix. Tu, par exemple, tu as fait une conférence sur une montagne, des gens sont emballés, les gens décident de ramasser des cheveux, des yeux, tu te laisses, il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas dire aux gens « Assez! » Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas d'intelligence. Tu vas faire « Assez! » Il n'y a pas d'intelligence, c'est du bouddhique. Tu aimes tout. Tu vas aller voir un lépreux, tu vas aller voir un sidatique, tu vas aller voir un criminel, tu vas aller voir un avocat, tu vas aller voir un président, tu vas même aller voir des bonnes gens, tu vas aller voir... Ça. L'intelligence, elle, vient te créer, l'intelligence te retire du monde totalement en te faisant voir le monde. Et si tu poses une question sur toi dans le monde, si tu n'as pas trop d'ego, tu seras aussi placé dans le monde en restant à l'extérieur du monde. Ça te permet des pluriconscientisations où tu peux avoir accès à une globalité au niveau du plan planétaire. Par contre, tu dois t'ajuster régulièrement parce que tu ne pourras pas. L'enfant nouveau... Ah, le gros problème, c'est qu'il n'a pas encore de structure endocrinienne pour supporter un contact avec le plan bouddhique. Il n'a que de l'intelligence et, dans son cas, il devient délinquant, devient marginal, ou bien il s'efforce d'être intégré dans le système traditionnel, ou bien il se suicide. Il ne peut pas arriver à supporter l'idée. L'adulte va dire, ben moi, je change de job. L'enfant nouveau ne peut pas dire, ben moi, je change de parent. Il n'a rien à faire, il ne peut pas. Il y a des lois qui l'empêchent. Et puis, l'enfant nouveau ne peut pas dire, bon, là, une semaine de vacances, c'est curé de l'école. Impossible. Tandis que l'adulte a quand même un moyen de supporter le contact avec l'intelligence, quoi que la majorité devienne MTS, en tout cas pour l'instant, l'enfant nouveau, lui, n'aura pas le choix, il est dans un carcan où il ne peut pas s'en débarrasser. Le plan bouddhique, lorsqu'il vient donc investir l'homme, amène une énergie particulière qui ne donne pas l'extase qu'on connaît bien souvent, l'extase spirituelle de l'amour, où on te vend de l'amour à plein papier. L'amour bouddhique est un amour, premièrement, qui respecte, on parle d'amour intelligent, donc l'intelligence qui a du cœur sera capable de trancher net les choses, tout en ayant un respect de l'humain. Dernièrement, il y a une personne qui vient me voir, qui vient me dire, « Monsieur Kem, est-ce que je pourrais vous parler? » Et là, elle me pile quasiment ses pieds. C'est ça qu'elle t'apprend à faire. Oui. T'as prêt à parler. Et puis, elle veut ramasser, puis là, elle me regarde, elle me manipule, elle m'impose qu'elle va me parler. Et moi, je lui réponds non. Là, nécessairement, c'est comme si un grand couperet tombait entre nous deux. Et puis là, ça mijote là-dedans au coton parce qu'elle avait décidé que j'étais humain. Elle avait décidé que je l'aiderais. Elle avait décidé que je lui appartenais. Elle avait décidé que mon temps était à elle. Elle avait décidé qu'étant donné que j'étais ce que j'étais, je ne pouvais pas faire autrement que de l'aider. Elle avait décidé quelle était ma mission sur la planète Terre. Puis là, pouf, ça travaillait. Alors, elle a continué. Il faut absolument que je vous parle. Mais là, pas énergétique de même. Elle est plus manipulateur que ça. Mm-hmm. Et puis, ça l'a été, j'ai viré de bord simplement, puis je me suis en allé. Et personne n'en reste là. Et là, ça laisse lentement passer un cancan. Daniel Kahn, il est pas humain, il n'aime pas l'humain. La seule chose qu'il y a, c'est que je l'aime assez pour pas qu'elle devienne attachée à un point tel qu'elle ne pourra plus se passer de sa drogue. Moi, je préfère la frustrer puis qu'elle ne revienne plus. Au moins, elle aura évité un grand piège de l'évolution. Si elle se plug à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de plus faible que moi. Alors, elle va avoir plus de facilité à s'en libérer. Si elle se plug à moi, ça fait dur de s'en libérer. De cette façon-là, là, elle est faite nette. Ou bien non, je vais dire, ben pose ta question par écrit, ça intéresse tout le monde. Oh, mais c'est une question personnelle. Oui, je vais répondre personnellement, OK? Mm-hmm. Bon. Mais, les autres ne comprendront pas. C'est ça. Alors là, il y a de l'aide, il y a de l'intelligence qui me permet de ne pas penser au suicide, qui me permet de continuer à vivre une vie qui est relativement intéressante, qui me permet aussi de faire des affaires ou de vouloir d'envisager des futurs possibles qui sont plus intelligents au niveau planétaire, sans être assujetti à devenir l'attaché spirituel d'une gang de disciples, etc. Par contre, nécessairement, tu peux paraître ceci ou cela. Comme j'expliquais à un moment donné, l'amour, l'intelligence qui a du cœur va être facilement capable de tuer quelqu'un qui est nuisible, sans souffrir. Mais l'intelligence, le plan supramental, ce serait, moi j'appellerais ça robotique, là, c'est pas la bonne expression, mais c'est 100% intelligent sans amour. Robotique dans le sens c'est que, mathématique. Qu'on voit quand c'est on voit un robot. C'est pas okay. Robotique, mais c'est mathématique. Pas de cœur, mais de l'intelligence. Peu. Dans les robots, il y a un ordinateur qui est mathématique, mais disons, oui, mathématique. OK. Puis dans le plan. Mais même dites... pas programmable, par contre, un instant. C'est que le robot est programmable. On peut lui faire des conneries. Sa structure de programmation est mathématique. Sa conscience n'est pas mathématique. Sa conscience, elle est les logiciels. Si tu es un ordinateur, ben je veux que tu dises. 2 plus 2, ça fait 5, il va le dire. Oui, voilà. Ouais. Tandis que la conscience supramentale, elle est mathématique. 2 et 2 font 4. Dans une structure, dans un autre cadre non cartésien, ça fera autre chose, mais ça reste très rigide. Il n'y a pas de demi-mesure entre ce qui est et ce qui n'est pas. Il n'y a rien à faire avec le plan supramental, ça ne marche pas. La même question amènera toujours la même réponse. Exact. Même d'un autre individu qui est plugé au même plan, on aura d'une façon différente la même réponse. Ça, c'est le plan supramental, il est mathématique. Puis le plan boutique, lui, est amoureux. Non. C'est pas amoureux. Il ne t'aime pas. L'amour dit que tu n'aimes pas, il ne peut pas t'aimer. Mais l'amour, si tu disais tantôt pas. Quelqu'un t'agresse, quelqu'un te dérange, tu l'aimes quand même. Si tu es relié au plan bouddhique. Oui. C'est-à-dire que le plan bouddhique va te faire l'aimer quand même. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est un amour qui fait que tu ne peux pas l'haïr. C'est un amour inconscient, le plan bouddhique. Premièrement, l'amour, c'est une force énergétique. Mais est-ce que parce que tu n'haïs pas quelqu'un, tu l'aimes? Non. Tu ne peux pas être indifférent? T'es neutre. Ça, c'est l'amour. Oh, être neutre, c'est l'amour. Oui. C'est pas la même appellation que j'avais pour l'amour. L'amour, je répète, l'amour, ça n'aime pas. L'amour, ça n'aime pas. Donc, en partant, celui qui est investi d'amour ne peut pas exprimer un amour qui aime. L'amour, ça n'aime pas. L'amour, le vrai. L'amour, c'est neutre. Oui. Juste, tu détestes pas. Tolère tel que c'est. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est fait, l'amour intelligent, ou le cœur intelligent, ou l'intelligence qui a du cœur, fait en sorte que tu ne peux pas souffrir d'une chose, de rien. Alors, tu n'en souffres plus. Quelqu'un t'approche, tu le laisses venir. Quelqu'un vit avec toi, tu le laisses vivre. La même personne s'en va, tu la laisses aller. Il n'y a donc aucun sentiment? Il n'y a pas des sentiments dans le genre sentimental, sentimentique et romantal, comme on connaît, non. Quels sont-ils? Quelles sont les formes d'attachement? Aucun. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a... Il n'y a aucune forme d'attachement? Non. L'amour n'est pas un limitateur d'évolution. La copie de l'amour, dans le contexte psychologique de l'homme, est un limitateur de l'évolution. Est-ce que ça veut dire que pour être parfaitement évolué, il faut que j'aime autant mon garagiste qui me charge 3 fois le prix que ma femme? Exact. C'est ça. C'est rough, ça. Par contre, vu que tu as un amour... Que mes enfants aussi. Même chose. Par contre, vu que tu as un amour intelligent, ton garagiste, il ne te chargera pas trois fois sous le longtemps. Tu vas l'aimer, tu n'iras plus le voir, tu vas l'aimer pareil. Mm-hmm. Il y a une nuance. Il y a une grosse nuance. Toi, tu as deux enfants. Alors, tu peux, par exemple, et c'est intelligent, décider de t'occuper de leur formation à ces deux-là. Est-ce que ça veut dire que tu les aimes plus que d'autres? Ah, psychologiquement, peut-être, mais pas au niveau de la conscience supramentale. Si tu as un de tes jeunes et un autre qui tombe d'une piscine, tu es en train de nettoyer. Quand tu as plongé, tu vas sans doute ramasser le plus proche, ramasser les deux. Si tu as une intelligence supramentale, tu n'iras pas nécessairement ramasser un, le sortir. Pendant qu'il est en choc nerveux, tu laisses l'autre se noyer. C'est ton choc nerveux, tu vis avec, va aller chercher l'autre. C'est une intelligence qui est neutre. Mm-hmm. C'est une intelligence intelligente. Donc, c'est un amour intelligent, c'est une intelligence qui a aussi du cœur. Oui, mais il reste quand deux individus, entre ma femme puis mon garagiste, mes vibrations, mon plaisir est plus grand d'être assis en train de discuter avec mon épouse que d'en train de discuter avec le garagiste. Parce que présentement, le niveau de communication de ton garagiste n'est pas à la hauteur du niveau de communication de ton épouse. Ouais, tu peux avoir, en tout cas, un garagiste, tu peux prendre d'autres choses, mais il y a quand même des personnes qui sont aussi évoluées que l'est ma femme, qui sont aussi évoluées que moi je le suis, puis que oui, mais je reste quand même. Maintenant. Pardon? Toi, tu n'es pas encore assez évolué. Oui. Alors, ça, c'est sûrement. Ça ne change rien au phénomène de l'amour. Mais est-ce que c'est pas vrai pour la majorité des habitants de la planète actuellement? Oui, c'est d'ailleurs le problème. C'est d'ailleurs le problème. Est-ce que c'est ça engendre le racisme, ça engendre le nationalisme, ça engendre les nations, ça engendre les frontières, ça engendre les guerres, ça engendre les peurs, ça engendre les systèmes sociaux d'évolution, les religions, les écoles, ça engendre les pro-avortements, les contre-avortements, les pro-ceci, les contre-cela, c'est pour rien, contre tout. Ça engendre plein d'affaires, sa planète. Mais est-ce que c'est nécessaire et intelligent d'aller vers une intelligence comme ça qui c'est nécessaire détachée? Et intelligent parce que de toute façon, l'homme n'a pas le choix. Ça veut dire quoi? Oui. C'est-tu agréable? Ça va-tu être agréable de vivre dans ce temps-là? Bien, vois-tu, ça ne peut pas être désagréable parce que l'amour, le plan bouddhique t'empêche totalement de vivre une chose désagréable. C'est simple. Tu vas aimer voir la fleur pousser, tu vas aimer la voir s'étaler, tu vas aimer la voir mourir. Et là, l'humain conventionnel va dire, il n'y a pas de cœur, il ne souffre pas d'aimer. Sa fleur qui est morte, il n'en souffre pas, donc il ne l'aimait pas. Pas de l'amour psychologique. C'est un amour respectueux, elle a le droit de s'en aller. Ça ne te regarde pas, ça ne t'appartient pas, ça ne t'a jamais appartenu. Tu ne souffres pas. Alors là, l'amour est chez toi. Tu ne peux pas souffrir. Alors là, on peut dire que tu es investi d'amour. Et si tu as de l'intelligence, et c'est pourquoi la structure telle qu'on l'applique présentement au niveau des séminaires, on commence par te donner de l'intelligence. C'est très souffrant, c'est plus efficace que de donner de l'amour avant, puis de l'intelligence ensuite. Parce que si tu as de l'amour avant, tu risques de ne jamais avoir besoin d'intelligence. Mais tu es un pion sur la planète. Ça ne te dérangera pas. Et moi, j'ai rien contre. Si tu viens me voir, tu es un pion, puis tu es un esclave soumis total sans souffrance, ben, je vais me servir de toi, je suis intelligent. Sauf que tu n'en souffriras pas. Il faut passer par l'intelligence d'abord. Si on veut faire un travail au niveau conscient à travers l'évolution, l'intelligence supramentale, le prévaut au niveau du premier contact sur le plan boutique. Donc, il faudra souffrir. Il faudra souffrir. Une seconde, deux semaines, un mois, 10 ans, dépendant des individus. Et par la suite, ben, tu es investi du phénomène boutique qui te permet... Mais là, la personne va poser des questions typiques de l'amour psychologique. Si tu aimes ta femme, même niveau que toutes les femmes, ça veut dire que tu as couché bien monique. Tu es intelligent. OK? Alors là, on prend l'amour psychologique. Là, on va parler des autres MTS. On la met, ouais. On prend l'amour psychologique ordinaire pour la transpose dans un amour intelligent. C'est pas ça qui arrive. Comme à un moment donné, j'expliquais que celui qui a un contact supramental finit par ne plus avoir peur. Alors, on me dit, ouais, mais si tu n'as plus peur, tu roules à 300 métropolitains. Tu es intelligent, tu ne roules pas à 300 métropolitains. En plus, ton char ne peut pas le faire. Mais tu n'es pas un con. Par contre, l'homme est convaincu que la peur engendre la prudence. C'est vrai. Chez celui qui n'a pas l'intelligence. Lui qui est intelligent, il n'a pas besoin d'avoir peur pour être prudent. Il faut qu'il soit prudent tout le temps. Ben, il n'a pas besoin d'être prudent. Il est intelligent. Il fait les choses comme il faut intelligent. C'est pas compliqué. Hein? Il n'a même pas son drap de lit pour allumer sa cigarette. C'est pas compliqué, mais bien. Il n'a pas besoin d'avoir peur du feu pour ça. Il est intelligent. Au niveau de l'amour, c'est la même structure. Aimer, L'être humain, quand il parle d'amour, premièrement, bon, on demandait là, on va en faire une conférence sur justement le grand problème du siècle, l'amour. L'amour, c'est l'amour tel que l'humain veut la vivre. Ça n'existe pas. C'est une farce. L'intelligence qui a du cœur, elle permet à l'être humain d'avoir une réponse logique, mathématique, instantanée et instantanément applicable, ce qui fait une différence avec les sphères astrales, de ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Et le plan bouddhique qui vient investir l'intelligence pour lui donner du cœur va permettre à l'être humain de supporter sans problème, sans heurts, sans anicroche, sans doute, sans hésitation, sans souffrance, sans rien, son contact supramental. Un exemple, tu rentres chez toi et puis tu vois qu'un de tes enfants est mort, ou ta femme, ou ta mère. Oui, c'est ça. T'en souffres pas. Alors, là, on parle d'amour. Je ne suis réellement pas évolué. L'humain n'est réellement pas évolué. C'est pourquoi l'humain souffre tant. Puis au nom de la souffrance, on bat toute la structure planétaire. Si tu m'avais rajouté le chien par là-dessus, je partais à pleurer de ça. Mais... Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence, lentement, finit par avoir du cœur. Puis l'humain va dire, voyons, ça n'a pas d'allure. Moi, je ne tiens pas à vivre une évolution de même. Ben, c'est exactement ce que je me dis. Qui voudrait évoluer? Parce que il faut se dire qu'actuellement, on vit les choses comme on les vit. Mm-hmm. On entend ce que tu dis, que pour être à 100% intelligent, il faudrait être 100 cœurs, j'appelle ça comme ça. Mais c'est pas ça. Ben c'est ça, au début. Vu qu'on est d'abord connecté au plan supramental, pour ensuite être dans le bouddhique. C'est une problématique au niveau de... Tu vas vivre encore avec ta famille et ton entourage. Il y a une période que tu disais tantôt d'adaptation. Avant de vouloir vivre cette période d'adaptation-là, comme on est, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour d'autres, on est des personnes qui aimons dans notre qui aimons sens, aimer avec la souffrance. Qui aimons attacher les autres après la patte du poil. Là. Mais comment faire pour voir que ça va tellement être rentable ou tellement bienfaisant de se rendre à l'autre bout pour nous donner la motivation pour le faire, la période de transition? Premièrement, bon, nécessairement, il faudra trouver une carotte pour te vendre l'idée que... Mais il y a une chose qui est importante. C'est que présentement, toi, tu es dans un couloir où il y a un gros piston dedans qui te pousse vers l'intelligence puis le plan bouddhique. Alors, nécessairement, je peux mettre une carotte pour que tu dises, « Ah bon, ben crime, tant que le mur s'en vient là, m'avancer par là-bas. » C'est la carotte que je vais mettre pour t'attirer, tu n'auras plus le mieux d'avoir la carotte. Puis je peux aussi me relaxer et dire, tiens, je n'en mettrai pas, mais attendre dans 2 ans, vas-tu comprendre ce que je lui dis aujourd'hui? Parce que le piston, il pousse pareil. Mais là, tu as grippé au sol après le mur de béton. Tu essaies de retenir le piston. Mais le piston, il te pousse au complet. Il y a tout un univers en arrière qui pousse le piston. Puis là, tu vas perdre des ongles, des morceaux de main. Là, tu vas souffrir jusqu'à temps que lentement, tu vas rire de souffrir. Tu vas finir par plus souffrir. Tu vas finir par comprendre les choses. Puis ça va te libérer. Mais comme on n'est pas tous dans le même cylindre, puis c'est pas tous le même piston, à la même vitesse qui nous pousse nécessairement, ça risque de faire des problèmes sérieux sur la planète? Non, présentement, on est enligné dans un piston intéressant qui, pour les 50 prochaines années, va pousser l'humanité. Au complet? Au complet. OK. Il y en a qui vont mourir carrément parce qu'ils ne pourront pas supporter la pression du piston. C'est des traditionnalistes invétérés qui sont tellement collés sur les murs. Quand le piston va passer, il va les aplatir, il va les désintégrer entre le piston et le mur. Il n'y a pas assez de place pour garder la conscience vivante là-dedans. Il y en a donc un paquet qui vont être éliminés de la surface de la planète, qui vont se réincarner à travers ceux qui vont rester sur le plan planétaire. Et il a, d'ici les 50 prochaines années, veut pas, puis le Québec, ça va être encore plus compressé le phénomène même, où de plus en plus l'humain va arriver à ce phénomène de l'intelligence, du MTS, puis finalement de l'intelligence qui aura du cœur pour lui permettre de supporter. Mais on en revient encore, c'est parce qu'on fait des projections. Alors j'aimerais que tu fasses un paquet de projections. Vomis toutes. C'est les objections que tu aurais contre cet aboutissement évolutif pour que je puisse expliquer à l'ego que justement, c'est pas si pire puis que finalement, c'est mieux. OK. Bien, moi, ce que je vois comme objection principale, c'est que on a passé, en tout cas, j'ai passé la partie de ma vie que j'ai vécue de cette vie-là à travailler pour créer un foyer, pour amasser des biens, pour que mes enfants soient à l'aise, pour que mes parents, que je puisse être à l'aise avec mes parents. Si j'arrive à un point où je n'aime plus les autres qui m'entourent, pendant la période transitoire, ou si un de mes parents ou de mes enfants... Bon, dans ton cas, ça n'arrivera pas. C'est déjà réglé. Mais ça doit. Il faut que ça arrive en quelque part. Non. Pourquoi? Parce que celui qui a juste. Vois-tu, c'est que ça dépend du système endocrinien puis du système neuronique. Ça dépend de la génétique des corps physiques. Celui qui est d'instinct intelligemment pacifique ne vit pas la MTS. Il va avoir des heures avec lui, des choses comme ça, mais il ne vit pas le MTS parce qu'il est déjà, il a toujours été intelligemment pacifique. Celui qui est spirituellement pacifique, maudissant la spiritualité, à un moment donné, il va maudire le phénomène pacifique qui est accolé. Lui, il va être un MTS. Celui qui serait agressif de nature? Non. Non? Celui qui simplement est pacifique parce qu'il était programmé à être pacifique. Okay, mais qu'il ne l'est pas en réalité. Ben, il est par programmation, mais pas parce qu'il, pas parce qu'il est mentalement, il n'envoie pas l'intelligence. Programmé à l'être. Il n'est pas, il a pas d'intelligence, c'est pas une intelligence spécifique. Mais celui-là va souffrir. Ouais, lui c'est un MTS. Mais est-ce qu'il peut souffrir d'une séparation de dans sa famille? Est-ce qu'il peut se... Hélas, la majorité c'est ce qui va leur arriver. Par contre, dans ton cas non, dans le cas de certains non. Par contre, on peut par de l'information, en l'occurrence, on parle de conférences ou de livres, on peut par de l'information arriver à instruire suffisamment notre ego des problématiques. Tu sais, l'adolescence, on commence à parler à l'enfant des crises de l'adolescence quand il commence à en avoir. Il faudrait qu'on l'instruise avant. Il y a des jeunes qui me suivent et ils évoluent, ils marchent bien. Bon, ils ont quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et à un moment donné, il faut que je commence à leur parler de la guerre qu'ils vont peut-être m'opposer à un moment donné, opposer à leurs parents, opposé à la structure d'évolution qui présentement les anime. Et quand ils en seront suffisamment instruits, quand ça va arriver, l'ego informé va le savoir. Et là, ça va très atténuer le phénomène. Il y a donc une préparation à faire. On peut préparer l'humain. La problématique, c'est que l'humain qui ne vit pas ça ne voit pas l'intelligence de se préparer. L'humain qui commence à le vivre, il est trop tard pour le préparer. Puis l'humain qui a fini, ben, il n'y a pas besoin de le préparer. Mais il faut que tout le monde en soit conscient, si je comprends bien, qu'on est dans le cylindre et que le piston va pousser de toute façon. L'évolution n'est pas entre les mains de l'homme. Il y a eu un temps où tu ne réfléchissais pas à l'évolution, tu ne réfléchissais pas à un point de vue cosmique de l'homme, tu réfléchissais à réussir telle affaire, à planter telle vente, à faire telle chose, à rencontrer telle fille, à avoir telle structure matérielle. Puis à un moment donné, à travers tout ça au complet, ben, veut pas l'évolution, le piston de poussant, mais sans souffrance. Parce que là, tu n'étais pas occupé à résister. Mais à un moment donné, tu t'assois dans ta chaise et tu finis par te dire, ben, semble que là, tu commences à éclater au niveau de ta conscience. Donc, il y a un ajusteur qui commence à te toucher. Maintenant, quand l'ajusteur commence à donner de l'information, comme là, j'en donne ce soir de l'information au niveau d'intelligence qui est du cœur, bien là, l'ego informé peut commencer à résister. Et là, le système de souffrance peut commencer au niveau d'évolution. Est-ce que ceux qui auront suivi des séminaires, les tiens ou ceux de personnes qui donnent des séminaires semblables, souffriront davantage ou moins? Ils vont souffrir moins que ce qu'ils auraient souffert dans 90% des cas. Parce que plus informé, parce que préparé à cette évolution forcée-là. Parce que plus c'est informé, une évolution c'est forcée. C'est ton ego. Simplement. Celui qui commence à vouloir se sevrer au niveau de l'alcoolisme, tu l'informes de ce qui va l'attendre. On doit te faire de la médecine nucléaire, de la chimiothérapie. Alors on t'informe que tu vas peut-être perdre tes cheveux, que tu vas avoir des nausées. On t'informe d'avance. Quand ça commence à arriver, oh, tu souffres, tu es dans la merde. Oui, non. Mais c'est moins souffrant, tu comprends. Tandis que si on te fait un coup, on te pose à la radiothérapie, à la médecine nucléaire, à un moment donné, tu as des nausées, des vomissements, des étourdissements, tu perds les cheveux.